Troisième partie. À la sortie du cinéma. Alors, comment as-tu trouvé le film? Bien sûr, l'histoire était complètement invraisemblable et je n'ai pas tout compris. Tu sais, avec Jacques Duhamel, c'est souvent comme ça, c'est son style. Tiens, il y a un résumé du film sur cette affiche. Ça m'aidera peut-être à comprendre. La légende de Médée a inspiré une tragédie à Euripide près de 5 siècles avant Jésus-Christ et une autre à Sénèque pendant le 1er siècle après Jésus-Christ. Tout le monde connaît l'histoire de cette héroïne, meurtrière par amour, par dépit et par vengeance. On sait comment Médée s'enfuit avec Jason et comment Jason, l'ayant abandonnée, elle égorge ses enfants. Mais dans le film, elle n'égorge pas ses enfants. Elle les poignarde. Ça revient au même. J'aimerais prendre quelque chose. Pas toi?